Bonjour Vincent Josse. Je vous entends renifler, vous êtes enrhumé. Ah bah non, ça il me dénonce, je lui dis c'est pas élégant, ça va passer comme une lettre à la poste, et voilà. Bien. Oh, je suis confus. Bah dites donc, vous pouvez l'être. Je vous pose une question, vous êtes plutôt Mozart ou Beethoven, vous, ben, dans la vie? Je vais vous dire que je suis Beethoven, puisque c'est mon invité, en toute modestie. Bah voilà, ça dépend des jours, aujourd'hui vous êtes Beethoven. Aujourd'hui je suis Beethoven. Nous le serons avec vous pendant une heure. À tout de suite.